Carolomag numéro 291, octobre 2025. Au sommaire ce mois-ci, 2 édito. 3 à la une, tous mobilisés pour Octobre Rose. 4 actualité. Marché Carolo, la convivialité au rendez-vous. Budget participatif, place au vote. Charleville-Mézières, l'automne se met au vert. Partage de la rue, à chacun sa place. Chauffage, les bons gestes. Accès eau, toujours plus proche des usagers. 2 chantiers pour plus de sécurité. Senior, un lieu pour partager, bouger et s'épanouir. 5 rendez-vous. Nuit blanche, quand l'art contemporain arrive en ville. La fête de la science explore toutes les intelligences. C'est la fête jusqu'au 19 octobre au Parc Expo. Nouvelles des musées, conférences et rencontres avec Jean Rouault. Braderie d'automne, des chèques cadeaux pour les seniors Carolo. 6. Agenda, les dates à retenir ce mois-ci. 7. Sport, l'étoile, les mercredis sportifs, l'élite du sabre tricolore, le CMAT 08 reste ambitieux. À Charleville-Mézières, le ballon ovale rassemble toutes les générations. Agenda sportif. 8. Histoire. 3 bustes d'Arthur Rimbaud se sont succédés au square de la gare. 9. Expression politique. La libre expression des groupes politiques. 10. Ardennes Métropole, le MAG. 2. Édito. Par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, présidente d'Ardennes Métropole. La loi s'applique à tous, sur 2 comme sur 4 roues. À la mi-septembre, la Fédération française des usagères et usagers de la bicyclette, FUB, qui rassemble plus de 550 associations pro-vélo de toute la France, a rendu public son baromètre vélo 2025. Et comme à chaque édition de ce baromètre, la note attribuée à notre ville a progressé. Nous sommes désormais sur le podium du Grand Est, catégorie ville moyenne, et remportons même la médaille d'or de Champagne-Ardenne, toutes catégories confondues. Ces distinctions viennent clairement saluer les efforts accomplis pour rendre Charleville-Mézières toujours plus et mieux accessible aux vélos et trottinettes. On peut aujourd'hui parcourir dans notre ville 68 km en empruntant exclusivement des aménagements réservés aux cyclistes, contre 19,5 il y a 10 ans. Mais ces mêmes cyclistes ou trottinettistes doivent bien comprendre qu'ils ne se trouvent pas au-dessus des lois, à commencer par le code de la route. Il est par exemple interdit de rouler sur un trottoir, sauf à avoir moins de 8 ans. De même, sur les secteurs piétons que les cyclistes ont le droit d'emprunter, ces derniers doivent se déplacer au pas et laisser la priorité aux passants. Sauf exception, l'obligation de s'arrêter au feu rouge s'applique à tous. L'exception en question se matérialisant par un panneau triangulaire sur lequel figure la silhouette d'un vélo, ainsi qu'une ou plusieurs flèches. Et même dans ce cas, le cycliste devra laisser la priorité à tous les autres usagers. Je suis moi-même cycliste et j'apprécie chaque jour le fait de pouvoir me déplacer en sécurité d'un quartier à l'autre de notre ville. Mais je ne laisserai pas une petite minorité jouer impunément les Mad Max au détriment de tous les autres usagers, même sur deux roues. La police municipale a été mobilisée et qu'on se le dise, les amendes vont tomber. Attention, la date de la prochaine séance du conseil municipal à l'hôtel de ville de Mézières a changé. Rendez-vous jeudi 16 octobre 2025 à 18h30. 3 à la une, tous mobilisés pour Octobre Rose. Chaque année, la mobilisation autour du ruban rose rappelle l'importance du dépistage du cancer du sein, première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Tour d'horizon des événements qui se dérouleront à Charleville-Mézières. Au-delà de l'information et de la prévention, cet élan collectif permet aussi de soutenir la recherche et d'accompagner les patientes. Octobre Rose, c'est donc à la fois une campagne de santé publique, de solidarité et d'espoir. Tout au long du mois, la ville se pare de nuances douces. En lumière, en fleurissement ou en pavoisement, c'est toute la cité de Gonzague, de la place du Cal à celle de l'hôtel de ville, du mont Olympe au pont d'Arche, qui se colore de rose pour rappeler l'importance de la lutte contre le cancer du sein. Nouveauté cette année, la place Saint-Lié de Mohon profite d'une décoration inédite, fruit du partenariat entre les membres de l'association ardennaise de promotion des handicapés située juste en face, du service Espace Vert de la ville de Charleville-Mézières et de seniors Carolo-Massériens volontaires. arbre orné de roses, logo de la ville géant fleuri et coloré, jardinière, une décoration végétale à voir. La mobilisation se veut aussi poétique grâce à la Société des écrivains ardennais. Durant tout le mois, découvrez des vers inédits exposés à l'Observatoire de la lecture publique et dans les points de lecture de la ville. En vers ou en prose, la plus noble cause, Octobre Rose. La participation à la cause est également l'affaire des commerçants Carolo qui, pendant tout le mois, proposent l'opération Boîte Rose destinée à recueillir vos dons. Une initiative à laquelle s'associent les forains de la fête d'automne ainsi que les commerçants des marchés qui participent à cet appel aux dons. Côté événements, samedi 11 octobre, le Centre Ressources Ardennes, situé 34 Place de la Gare, organise dès 13h30 l'événement « Un regard pour Rose », reflet du slogan du centre « Un autre regard sur le cancer ». Au programme, ateliers mise en beauté, coiffage, massage et séances photo, sans oublier une pause plaisir et gourmande. La réservation est possible en composant le 06 74 77 44 70 ou par mail à l'adresse centre-ressources au singulier 08@gmail.com. Au centre hospitalier Manchester, c'est évidemment de prévention qu'il sera question avec une journée d'information et de sensibilisation organisée le jeudi 16 octobre. Côté sport, la Pink Camp Run-Up, organisée par l'Association des étudiants ardennais, revient samedi 18 octobre au campus Supardenne, 11 rue Claude Chrétien, avec un nouveau parcours. Sans chrono ni classement, cette course est ouverte à toutes et tous dès 14 ans. Courez ou marchez pour soutenir la Ligue contre le cancer 08 et les Dragon Ladies. Accueil dès 9h, suivi d'un échauffement et du départ à 9h45. Nombreux lots à gagner, goodies surprises, collations offertes et buvettes sur place vous attendent. Inscription sur helloasso.com à partir de 5 euros. Comme chaque année, les jeunes conseillers municipaux et leurs aînés vous attendent samedi 25 octobre entre 10h et 16h sur la place du Cal pour une vente caritative dont les bénéfices seront reversés au profit des Dragon Ladies 08 et de la Ligue contre le cancer. Cet événement sera également l'occasion de venir à la rencontre des deux associations qui seront présentes pour vous informer et répondre à toutes vos questions. Parapluies, bracelets, tote bags, fleurs. L'année dernière, la vente caritative couplée à l'opération Boîte Rose avait permis de récolter 5000 euros reversés aux Dragon Ladies et à la Ligue contre le cancer. Nouveauté cette année, dans la continuité d'Octobre Rose et en écho à l'événement caritatif annuel et international Movember, le Centre Ressources Ardennes organise un événement dédié à la santé masculine le samedi 8 novembre dès 14h30 sur l'île du Vieux-Moulin, Moustache et défi. L'objectif, inciter les hommes à se faire dépister pour le cancer de la prostate, mais pas que. Au programme, des témoignages, des défis, des démonstrations et des stands prévention santé, sport et bien-être. Voyons ce qui se passe dans les centres sociaux. Au Centre social Manchester, de nombreuses actions seront proposées durant le mois d'octobre. Atelier de création de bracelets, mercredi 8 octobre. Cet atelier s'adresse aux 3 à 12 ans. Émission spéciale de la web radio, mercredi 15 octobre. Atelier de pâtisserie ado-parents, le lundi 20 octobre. Marche rose, mardi 28 octobre. Ou encore, atelier de création de turbans, tous les lundis. Les bracelets seront remis à la Ligue contre le cancer et les pâtisseries vendues au profit de l'association Ruban Rose lors de la kermesse du centre qui se déroulera mardi 21 octobre au gymnase Maryse Bastier à partir de 14h. Une soirée country sera organisée le jeudi 9 octobre de 15 à 20h au Centre social et culturel André Dautel. Au programme, représentation et initiation avec vente de produits au profit d'Octobre Rose, buvettes et petites restaurations sur place. Une journée santé proposée le jeudi 16 octobre offrira un instant bien-être entre ateliers sophrologie, images de soi et diététique. Enfin, des ateliers santé se dérouleront au SARC, Centre social de la Ronde Couture, durant tout le mois sur inscription. Le Centre social Manchester est situé 26 rue Jules Rollin, téléphone 03 24 57 41 93. Centre social et culturel André Dautel, 88 rue Albert Poulain, téléphone 03 24 33 13 85. Et enfin, le SARC est situé 9 bis rue des Mésanges, téléphone 03 24 58 17 74. Les enfants décorent le kiosque de la gare. Le mercredi 15 octobre, dès 9h30, les enfants des centres de loisirs Marie-Thérèse Berger et Château des Fées vous donnent rendez-vous au kiosque de la gare pour célébrer Octobre Rose. Ils vous présenteront leur arbre de vie, porteur de messages d'espoir, réalisé à partir d'une branche récupérée au parc animalier de Charleville-Mézières, à laquelle ils offrent symboliquement une seconde vie. Sur les grilles du kiosque, une map monde viendra compléter cette création, rappelant que la lutte contre le cancer du sein est un combat sans frontières. 40% des cancers pourraient être évités. En modifiant certaines habitudes ou notre mode de vie, tels que l'alimentation, l'activité physique ou encore l'exposition au soleil, nous pouvons agir au quotidien pour prévenir les cancers. Les dépistages permettent également de détecter les cancers tôt et donc de mieux les soigner. Pour tout savoir sur les dépistages organisés du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus dans la région Grand Est, rendez-vous sur le site dépistage-cancer-ge.fr. 4. Actualité. Commerce. Marché Carolo, la convivialité au rendez-vous. Saveurs locales, rencontres chaleureuses et créations artisanales, les marchés Carolo reviennent animer vos journées d'automne. Que vous soyez fin gastronome, adepte du fait main ou tout simplement curieux, préparez vos paniers et laissez-vous séduire par l'ambiance conviviale de nos rendez-vous en ville. Lors des marchés de producteurs de pays, venez rencontrer directement ceux qui cultivent et transforment leurs produits avec passion. Fruits et légumes de saison, fromage, viande, miel, confiture, un concentré de fraîcheur et d'authenticité vous attend. Les dates. Vendredi 10 octobre de 15h à 19h, place du Cal. Le vendredi 17 octobre de 15h à 19h, place de l'Hôtel de Ville. Le marché des petites bulles de créateurs. Envie d'objets uniques, de déco originale ou de cadeaux faits main? Ne manquez pas ce marché plein de surprises où les talents locaux partagent leur savoir-faire. Prenez date les dimanches 12 octobre et 9 novembre de 10h à 18h au marché couvert place Nevers. Et bien sûr, retrouvez vos rendez-vous habituels pour flâner, échanger et remplir vos cabas. Les dimanches de 8h à 13h, place Beauchard. Les mardis, jeudis et samedis au marché couvert. Les mercredis, place de l'Hôtel de Ville. Les vendredis, place de Mouhon. Alors, prêt à faire le plein de bons produits, d'idées et de convivialité? Les marchés Carolo vous attendent. La campagne 2025 du budget participatif se poursuit. C'est le moment de donner votre avis pour voir fleurir vos projets préférés. Pour voter pour vos trois projets préférés, rendez-vous jusqu'au 30 novembre sur la plateforme budget-participatif.charleville-fr pour voter en ligne ou par SMS. Durant la campagne, il sera également possible de voter en présentiel dans les lieux suivants. Les points seniors, les centres sociaux, le CCAS, la mairie Place du Théâtre, l'hôtel de ville de Mézières, la mairie de la Ronde Couture et MCL Ma Bohème. Le service démocratie participative et les membres des assemblées des habitants viendront à votre rencontre durant les événements et les manifestations de l'automne. Ils vous accueilleront à un stand dédié au vote afin d'échanger autour des projets mais également de sujets du quotidien. Qui peut voter ? Le vote est ouvert à tous les carolomassériens âgés de plus de 16 ans. Une enveloppe de 250 000 euros sera dédiée à la réalisation des projets qui auront retenu le plus de suffrages. Ces derniers seront dévoilés lors du marché de Saint-Nicolas, projet issu du budget participatif 2024 qui se déroulera le week-end des 6 et 7 décembre sur la place de l'Hôtel de Ville de Mézières. À vos votes! Plus d'informations au 03 24 32 41 91. Nature. Charleville-Mézières, l'automne se met au vert. Vous souhaitez apprendre à greffer ou bouturer? Rendez-vous à la serre citoyenne pour une formation gratuite. Et si vous préférez entretenir votre potager, une vingtaine de jardins familiaux sont disponibles. L'automne démarre sur les chapeaux de roue avec plusieurs initiatives ou propositions toutes destinées à rendre notre ville plus verte et plus résiliente. Vous avez toujours voulu apprendre à multiplier vos plantes ? La serre citoyenne du Square Cardo, 34 avenue Gailly, vous ouvre ses portes pour des formations gratuites. Animées par les ambassadeurs du cadre de vie, ces séances de 2 heures vous apprendront les bons gestes pour réussir vos boutures et vos greffes. Rendez-vous le 24 octobre de 18h à 20h, puis les 8 et 15 novembre de 10h à midi. Place limitée à 20 participants par session, inscription obligatoire au 03 24 32 44 88 sur les horaires de bureau. Des jardins familiaux à cultiver. Envie de savourer vos propres légumes? Une vingtaine de parcelles de jardins familiaux sont disponibles cet automne sur les secteurs Scamaroni et Mont-Olympe. Loués par la ville à prix symbolique, 20 centimes du mètre carré par an, ils permettent à chacun de créer son potager, de respirer, de partager un vrai coin de nature. Pour réserver votre parcelle, téléphonez au 03 24 32 44 88. Un arbre pour chaque union. Depuis janvier, l'opération « Pour enraciner votre union » fait pousser l'amour jusque dans nos rues. Chaque couple qui se marie reçoit un arbre planté sur le territoire communal. Résultat, près de 180 arbres en cours de plantation d'ici fin décembre dans les quartiers urbains comme dans les vergers collectifs. Un joli symbole de durabilité et de transmission. Nos biodéchets ont trouvé leur place. Dernière info verte, le succès des bornes d'apport volontaire destinées à recueillir nos biodéchets. Les 70 bornes installées en ville pour collecter nos biodéchets ont déjà permis de détourner plus de 75 tonnes de déchets alimentaires depuis janvier. Face à ce succès, 30 nouvelles bornes viendront compléter le réseau dès 2026. Circulation. Partage de la rue, à chacun sa place. Piétons, vélos, trottinettes, la rue se partage. Pour éviter les tensions et garantir la sécurité de tous, rappel des règles. C'est un principe simple mais souvent oublié. Les piétons sont prioritaires. Vélos, trottinettes et autres engins de mobilité douce motorisés, trottinettes électriques notamment, sont formellement interdits sur les trottoirs, exception faite des enfants de moins de 8 ans. Priorité aux piétons. Dans les zones piétonnes, la vitesse doit être adaptée pour ne pas gêner le flux des marcheurs. Les conducteurs de trottinettes électriques ou de 2 roues ont pour obligation de rouler au pas et de ne pas gêner les piétons. Rappel des règles de circulation. La prudence doit aussi s'appliquer sur la chaussée. Depuis 2022, la majorité des voies carolo-massariennes sont limitées à 30 km/h, à l'exception de quelques axes majeurs qui restent à 50 km/h. Les cyclistes peuvent circuler à contresens dans la plupart des rues à sens unique, à condition que la signalisation l'autorise. Une vigilance accrue est donc demandée à tous les usagers de la route. Enfin, sur des lieux sensibles comme la passerelle du Mont-Olympe, les 2 roues, quels qu'ils soient, doivent adapter leur allure. Même chose pour le pont d'Arche, où la piste cyclable se trouve sur le trottoir et où il est obligatoire de rouler une fois encore au pas. En respectant les règles, chacun gagne en sécurité, confort et sérénité. Économie, chauffage, les bons gestes. On ne se rend pas toujours compte de nos besoins énergétiques. Nos abonnements sont souvent lissés sur 1 an et nos mensualités fixes. Mais notre consommation, elle, augmente beaucoup. Voici quelques astuces pour maîtriser votre consommation. Vous le savez peut-être, 1 degré de moins sur le thermostat, c'est environ 7% de consommation d'énergie en moins. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que la plus grosse économie se fait en coupant son chauffage quand on n'en a pas besoin. En effet, contrairement à une idée reçue, il vaut mieux chauffer beaucoup, peu de temps, qu'un petit peu tout le temps. Vous pouvez utiliser un thermostat programmable, éventuellement connecté, pour baisser un peu la température la nuit. Pas besoin de 19 degrés quand on est au chaud, sous sa couette. Et beaucoup quand vous n'êtes pas chez vous. Certaines pièces peuvent même n'être chauffées que ponctuellement. Une salle de bain, par exemple, peut être chauffée avec un simple radiateur soufflant, certes très puissant, 2000 watts, mais qui pourra être utilisé à peine une demi-heure par jour. On y gagne même en confort. Mais il n'y a pas que le chauffage. Si vous avez un chauffe-eau électrique, vous pouvez vérifier qu'il est bien équipé d'un contacteur jour-nuit, pour chauffer en heure creuse seulement. Vous pouvez également vérifier que sa capacité convient à votre foyer. Pas besoin de chauffer 250 litres tous les jours pour un couple. Accessibilité. Accès haut, toujours plus proche des usagers. Aller à la mairie ou appeler un service municipal n'est pas toujours simple quand on est sourd ou malentendant. Pour lever cette barrière, la ville et le CCAS de Charleville-Mézières ont choisi d'utiliser Accès haut, une application gratuite qui facilite les échanges. Accès haut est une application disponible sur smartphone, tablette ou ordinateur. Elle permet aux personnes sourdes ou malentendantes de communiquer facilement avec les services municipaux et le CCAS. Un opérateur intervient en direct pour traduire les échanges en langue des signes française, LSF, ou en transcription écrite. Résultat, un dialogue fluide, clair et en toute confiance. Comment ça marche? Lors d'un appel, l'usager ouvre l'application, choisit le service municipal ou du CCAS qu'il souhaite contacter. Une visioconférence démarre avec un opérateur qui traduit instantanément la conversation entre l'usager et l'agent municipal. La conversation est transmise en langue des signes, en langue parlée complétée ou par écrit, selon le choix de l'usager. Pour un accueil physique, pas besoin d'équipement personnel, les guichets de la mairie et du CCAS sont déjà équipés de tablettes avec Accès haut. Depuis son lancement en 2022, Accès haut a changé le quotidien de nombreuses personnes. Aller à la mairie ou joindre un service par téléphone est désormais possible sans crainte ni difficulté. Convaincue par son efficacité, la collectivité renouvelle chaque année son abonnement pour que chacun continue à profiter de ce service inclusif et gratuit. En pratique, l'application Accès haut est disponible en téléchargement gratuit. Elle peut aussi être utilisée directement via le site de la ville app.accès-haut.fr/client/charleville-mézières ou sur www.accès-haut.fr. Un moyen simple et concret de rendre les services municipaux accessibles à tous. Aménagement. Deux chantiers pour plus de sécurité. La ville poursuit ses aménagements pour une circulation plus fluide et plus sûre. Deux chantiers sont au programme cet automne. Route de Saint-Laurent, dès le 6 octobre pour une durée prévisionnelle de 2 mois. Dans la continuité des aménagements déjà engagés, de nouveaux dispositifs verront le jour entre le carrefour de la route d'Aiglemont et le numéro 60 de la route de Saint-Laurent. Deux plateaux ralentisseurs seront créés et les chicanes existantes transformées avec des bordures pour les rendre plus durables. À l'entrée de la ville, au niveau du chemin Vivier-Guillon, un îlot central incitera les automobilistes à ralentir. 4 places de stationnement supplémentaires et un trottoir élargi avec passage piéton viendront compléter l'opération. La circulation sera maintenue sur une seule voie, en alternance par feu tricolore. Rue du Petit Bois, les travaux commenceront dès le 20 octobre pour une durée prévisionnelle de 2 semaines. Un plateau ralentisseur sera installé à l'intersection des rues de l'Hôpital et de Clèves afin de sécuriser la traversée des usagers et réduire la vitesse des automobilistes. Ces travaux nécessiteront la fermeture de la rue du Petit Bois entre l'avenue Forest et la rue de l'Église selon l'avancée du chantier. CCAS, un lieu pour partager, bouger et s'épanouir. Envie de vous ouvrir au monde et de continuer à apprendre ? Rejoignez l'espace temps libre senior. Créée en 2007 à l'initiative de seniors volontaires et de la ville de Charleville-Mézières, l'association est un espace de vie, de rencontres et d'activités ouvert aux personnes de plus de 60 ans, désireuses de rester actives et de tisser de nouveaux liens. Un lieu pour tous les seniors. L'association, située 2 rue des Mésanges, a pour mission de favoriser l'intégration des seniors dans la vie citoyenne, de proposer un lieu convivial où se mêlent activités culturelles, sportives et de loisirs, d'encourager le bénévolat, tout en développant des actions de prévention contre le vieillissement et l'isolement. Elle s'attache également à collaborer avec différents organismes afin de faire évoluer ses projets et de répondre toujours mieux aux attentes de ses adhérents. Un programme riche, varié et dynamique. 16 ateliers animés par des bénévoles sont proposés toute l'année contre le paiement d'une adhésion de 22 euros. Les amateurs d'activités physiques douces profitent de séances de gym adaptées, de marches ou encore de relaxation. Les plus créatifs se retrouvent autour d'ateliers de peinture, d'écriture ou d'expression musicale et danse. Les plus connectés se tournent vers l'informatique, tandis que les curieux apprécient les déplacements organisés pour visiter notre riche patrimoine ou partir en balade randonnée. Sans oublier les plus gourmands, qui se rencontrent au restaurant pour découvrir et déguster notre palette gastronomique. Pour avoir plus d'informations, contactez le 03 24 35 66 40 ou par mail espacetempslibresenior@orange.fr. Bal d'automne des seniors. Rendez-vous le jeudi 23 octobre dès 14h30 au Parc des Expositions pour le bal d'automne des seniors. Laissez-vous emporter par les rythmes de la valse, du tango ou de la salsa, interprétés par l'orchestre Jean-Luc Bertrand. L'entrée est gratuite, sans inscription préalable pour les carolomassariens, 10 euros pour les visiteurs extérieurs. 5. Rendez-vous. Nuit blanche quand l'art contemporain arrive en ville. Les Castelets du Festival des Marionnettes, tout juste rangés, la culture va continuer de rayonner sur la ville avec une nouvelle édition de Nuit Blanche, le samedi 11 octobre, entre 19h et 1h. Plus d'une vingtaine de propositions artistiques seront accessibles à tous, gratuitement. C'est l'événement culturel du début de l'automne qui attire toujours la foule et réserve son lot de surprises. Installations surprenantes, expositions, concerts dessinés, performances dansées, mapping, Charleville-Mézières donnera la part belle à l'art contemporain afin que chacun puisse laisser parler sa créativité et son imagination en déambulant au sein du parcours qui sera proposé. De 20h30 à 23h30, la compagnie Carabosse viendra prendre possession de la place du Cal pour partager un moment de magie avec ses installations de feu. Un univers poétique où sons, senteurs et sensations diverses se révéleront à la tombée de la nuit. De quoi découvrir pour la première fois la place métamorphosée par les flammes. Du côté du TCM, deux représentations, une à 19h et l'autre à 22h, d'un concert-récit dessiné intitulé « Nuit noire » seront proposés. Une chevauchée maritime librement inspirée des récits de Bernard Moitessier, interprétée par trois artistes aux univers complémentaires, mêlant musique, poésie et dessin en direct. Les musées feront partie intégrante de la programmation avec notamment la performance « Put on your red shoes », les expositions « Parcours gonflé » et « De la scène au musée », une décennie d'acquisition au musée de l'Ardenne. L'exposition « La fête est permanente » numéro 12 par le FRAC Champagne-Ardenne au musée Rimbaud et enfin à la Maison des Ailleurs, vous découvrirez l'exposition « La galerie éphémère » mais également les chats. Partez à la découverte du parcours Rimbaud, une visite guidée, animée et insolite de 45 minutes, imaginée par les classes à horaires aménagés théâtre. Et si par hasard, l'envie vous prenait d'échanger avec le jumeau numérique d'Arthur Rimbaud, il se tiendra présent pour répondre à toutes vos questions. Les nostalgiques du Festival des Marionnettes pourront assister au spectacle musical Fiammi Ferri, une merveilleuse adaptation du conte La petite fille aux allumettes dans la cour du Centre d'audiophonologie et d'éducation sensorielle situé au 15 rue Jean Jaurès. D'autres lieux comme les médiathèques Voyelles, la rue du Moulin, la rue Pierre-Gillier, le Forum, l'école Jules Verne vous réservent de nombreuses surprises, découvrez-les. Le programme est disponible sur le site de la ville à l'adresse www.charleville-mézières.fr. La Fête de la Science explore toutes les intelligences. Pour sa 34e édition, la Fête de la Science se tiendra à Charleville-Mézières du 3 au 13 octobre sur le thème « Intelligence ». L'événement, gratuit et ouvert à tous, explorera différentes formes d'intelligence, de l'humain à l'intelligence artificielle, en passant par les capacités des animaux et des plantes. Des spécialistes de la culture scientifique animeront expositions, ateliers, conférences et spectacles dans des lieux comme la MCL Mabohème, la médiathèque Voyelle et le campus Supardenne. L'entrée est libre, sauf pour les scolaires qui doivent s'inscrire au préalable. Le programme est disponible sur mclmabohème.com et sur fetedelascience.fr. C'est la fête jusqu'au 19 octobre au Parc Expo. Les attractions traditionnelles se mêlent aux manèges à sensations pour ravir petits et grands. Confiseries gourmandes, stands de snacks, jeux d'adresse et trampolines viennent compléter le programme pour le plaisir de tous. Nouveauté cette année pour les plus courageux, l'Aurore Motel, la pieuvre Poséidon et l'Xtrême. Ne manquez pas le feu d'artifice vendredi 10 octobre vers 22h30 et la grande parade le mercredi 8 octobre. Journée à tarif réduit les mardis 7 et 14 ainsi que les mercredis 8 et 15 octobre à partir de 17h. Nouvelles des musées, conférences et rencontres avec Jean Rouault, qui se cache derrière le peintre du Rimbaud blessé, jeudi 6 novembre à 18h au musée de l'Ardenne. À l'occasion de la sortie de l'ouvrage « Trois tableaux » publié chez Gallimard en 2025, les musées convient Jean Rouault, prix Goncourt 1990, pour les Champs d'honneur et auteur d'une quarantaine d'ouvrages parmi lesquels « La constellation Rimbaud » parue aux éditions Grasset en 2021, également disponible en collection Folio depuis 2024. Lors d'une soirée exclusive, Jean Rouault vous invite à une nouvelle exploration littéraire et artistique autour de l'énigmatique tableau exposé au musée Rimbaud et attribué à Jeff Rossman. Qui se cache derrière ce mystérieux artiste? Une enquête captivante, puis place à la musique. Après la projection du premier acte de Jongleurs et cheminots, Elsa Lacerda, violoniste, rejoindra Jean Rouault pour une lecture vivante du dernier acte où un violon reprend vie au son de Trimartolode d'Alan Stivell. Premier violon du Quatuor Alfama pendant 15 ans, Elsa Lacerda jouera sur un violon florentin Tommaso Carcassi de 1766, généreusement prêté par la collection Michael Gutmann. Une rencontre entre littérature, peinture et musique à ne pas manquer. Plus d'informations par téléphone au 03 24 32 44 60 ou sur museart.fr. L'entrée est libre. Braderie, deux jours de bonnes affaires au centre-ville. Vendredi 7 et samedi 8 novembre, la traditionnelle braderie d'automne revient dans les rues de la cité de Gonzague. Plus de 200 étals et exposants investiront le centre-ville et le cours Briand pour deux jours de bonnes affaires et de convivialité. Grand déballage et ambiance festive au programme de ce rendez-vous incontournable organisé par la ville. Vendredi, les commerçants sédentaires du centre-ville installeront leurs stands et proposeront promotions et sélections spéciales. Le samedi, place au Camelot, plus de 200 exposants déploieront leurs marchandises au cœur du centre Carolo-Massérien. Mode, accessoires, décorations, bijoux, livres, jouets, maroquinerie, électronique ou encore gourmandise, il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets. L'occasion rêvée de flâner, de soutenir le commerce local et de dénicher quelques trouvailles à prix doux juste avant les fêtes de fin d'année. Pour des raisons de sécurité, le stationnement et l'arrêt seront strictement interdits sur le cours Briand du jeudi 6 novembre à 20h jusqu'au samedi 8 novembre à 20h. Tout véhicule en infraction pourra être mis en fourrière afin de préserver la propreté et le confort de tous. Commerçants comme visiteurs sont invités à adopter les bons gestes. Deux jours, deux ambiances, une même promesse, un centre-ville animé, festif et commerçant au cœur d'un événement attendu par tous les Carolo-Masseriens. Solidarité, des chèques cadeaux pour les seniors Carolo. La ville renouvelle son opération de distribution de chèques cadeaux à dépenser dans les vitrines de Charleville-Mézières. Ces chèques, d'un montant total de 20 euros, seront destinés aux seniors âgés de 65 ans et plus, sans condition de ressources, résidant à Charleville-Mézières et qui ne bénéficient pas déjà d'une prestation du CCAS, telle que le colis de Noël ou le chèque cadeau attribué sous condition de ressources. Les seniors pourront récupérer leur chèque au jour et horaire suivant. Ils doivent pour ce faire se munir d'une pièce d'identité mentionnant leur date de naissance ainsi que d'un justificatif de domicile. À la salle Nevers, les vendredis 14 et 21 novembre entre 9h et 12h30 et de 13h30 à 17h et également le samedi 15 novembre entre 9h et 12h30. À l'hôtel de ville, les samedis 22 et 29 novembre de 9h à 12h30 et samedi 6 décembre de 13h30 à 17h. Enfin, à l'accueil du CCAS, du 8 au 31 décembre, du lundi au vendredi, de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h. 6. Agenda. rentrée 2025 de la 14e promotion École nationale supérieure des arts de la marionnette. Les étudiants de l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, ESNAM, commencent leur deuxième année placée sous le signe de l'approfondissement des compétences, l'ouverture disciplinaire et les échanges internationaux. Ils rencontreront cette année encore des artistes venant du monde entier, Hongrie, Belgique, États-Unis, Pays-Bas, Italie, et travailleront avec des étudiants du département marionnette de la HMDK de Stuttgart, en Allemagne, au cours d'un atelier mené conjointement par Agnès Limbaud et Nicole Mossou, de Belgique. L'année se clôturera par une participation à l'édition 2026 de Camping, festival et plateforme chorégraphique internationale organisée par le Centre national de la danse. Les étudiants présenteront régulièrement leurs travaux au public. Deux rendez-vous sont déjà programmés à l'ESNAM. Jeudi 9 octobre à 19h, corps à conte, marionnettes portées, mise en jeu dans l'univers du conte, restitution de fin de stage dirigée par Jean-Michel Dope, directeur artistique de la compagnie Point Zéro en Belgique. Et vendredi 17 octobre à 14h30, la restitution du laboratoire d'exploration dramaturgique, historique et marionnettique autour du Théâtre de la Foire, dirigé par l'universitaire Françoise Rubelin et le marionnettiste Alban Thierry, jauge limitée. L'École nationale supérieure des arts de la marionnette se trouve 16 avenue Jean Jaurès. Pour les réservations, contactez le 03 24 33 72 50 ou écrivez à contact@marionnetteausingulier.com. Le forum Klaxney. Samedi 18 octobre à 19h, concert reggae au forum. Après le succès des deux premières éditions, l'association Klaxney propose une troisième soirée reggae au forum. Maija and the Root Sense ouvriront la soirée avec une voix soul, puissante et engagée, transmettant des messages de paix et d'amour à travers des rhythms envoûtants. Spectacular, figure emblématique du reggae dancehall jamaïcain, prendra ensuite le relais, accompagné par les incontournables Conquering Sound pour un show vibrant, mêlant racines reggae et énergie dancehall. Enfin, Twenty viendra apporter sa vision singulière avec des productions originales qui croisent reggae, dub, mass music, dancehall et trap. Rendez-vous le samedi 18 octobre de 19h à 1h. Billets en pré-vente à La Bourbonnade, Le Verboc, La Plaque Tournante et en ligne sur Hello Asso. Plus d'infos sur la page Facebook de Slackney Carolo Reggae. Mouvement. Samedi 11 octobre, 10h et 13h, marche et course pédestre au cœur du parc du Centre hospitalier Bel Air. Dans le cadre des actions menées par le Conseil local de santé mentale, en partenariat avec l'Athletic Bel Air Club et le Centre hospitalier Bel Air, se tiendra le samedi 11 octobre la 7e édition de Mouvement, une marche de 4 ou 7 km. Départ de 13h à 14h pour un tarif de 2 euros, les inscriptions se font sur place, et une course de 4 ou 10 km, départ 10h, tarif 4 euros, avec inscription en ligne sur ledossard.com jusqu'au 10 octobre. Cet événement ouvert à tous s'inscrit dans une dynamique inclusive. Il a pour objectif de contribuer à la déstigmatisation de la psychiatrie en favorisant la rencontre, le partage et la pratique d'une activité accessible à toutes et à tous. Vous trouverez des stands de sensibilisation sur place, avec une visite guidée du château Renaudin pendant le parcours. 1000 premiers jours. Bibliothèque Porte-Neuve, 8 places de la préfecture. Deux rendez-vous. Éveil musical le samedi 11 octobre à 10h30 pour les 3 mois à 3 ans. Et atelier art empreinte le samedi 8 novembre à 10h pour les 15 mois à 3 ans. Manchester Lecture, au 24 rue Jules Rollin. Massage bébé, mardi 7 octobre à 15h, de la naissance à 12 mois. Chanter, bouger, danser, mardi 14 octobre à 10h, de 15 mois à 3 ans. Lire avec bébé, mercredi 22 octobre à 9h, de la naissance à 3 ans. Bébé Gym, vendredi 24 octobre à 10h, de 15 mois à 3 ans, et l'atelier art empreinte, le lundi 27 octobre à 10h, de 15 mois à 3 ans. Centre André Dautel, 88 rue Albert Poulain. Lire avec bébé, mercredi 8 octobre à 9h30, de la naissance à 3 ans. Motricité libre, le vendredi 17 octobre à 9h15, de la marche à 3 ans. Baby yoga, samedi 18 octobre à 9h30 et 10h30, de 3 à 18 mois. Art thérapie, mercredi 22 octobre à 9h30, pour les futurs et jeunes parents et leurs enfants. Snowslen, lundi 27 octobre à 10h, de la naissance à 3 ans. Atelier art empreinte, vendredi 31 octobre à 10h, de 15 mois à 3 ans. Chant prénatal, mardi 4 novembre à 9h, deuxième mois de grossesse jusqu'au troisième mois de naissance. Info allaitement, mardi 4 novembre à 10h, de la naissance à 3 ans. Lire avec bébé, mercredi 5 novembre à 9h30, de la naissance à 3 ans. Enfin, bébé gym, vendredi 7 novembre à 10h, de 15 mois à 3 ans. Plus d'informations au 03 24 32 44 96 ou 03 24 32 41 71 ou par mail à 1000pj@mairie-charleville-mézières.fr. Programme du TCM, Théâtre Charleville-Mézières. Maldonne, mercredi 8 octobre à 20h, spectacle de danse. Leïla K, étoile montante de la scène chorégraphique actuelle, nous propose un plateau entièrement féminin. Dans cette création pleine de liberté, 5 femmes dévoilent leur agilité, leur révolte et leur identité multiple. Elles nous plongent dans une danse qui les extrait de toute soumission et brise les carcans de notre société. Chorégraphie Leïla K, spectacle dès 14 ans. Nuit noire, samedi 11 octobre à 19h et 22h, concert dessiné. Embarquez pour un road trip océanique, musical et visuel à bord du mythique voilier Joshua, aux côtés du marin Bernard Moitessier. Librement inspiré des récits de Bernard Moitessier, cette chevauchée maritime portée par 3 artistes aux univers complémentaires mêle musique, poésie et dessin en direct. Dessin live Yun Lokar, composition et musique Oyun, chant rap slam récit Tiwan, dessin live Yand Lockard, composition et musique Oyun, chant rap slam récit Titouane, spectacle dès 8 ans, gratuit sur réservation, dans le cadre de la Nuit Blanche. Moving Skin, mercredi 15 octobre à 15h, 18h et 20h, et jeudi 16 octobre à 20h, spectacle de marionnettes. Assister à une série d'expérimentations fascinantes durant lesquelles des robots tentent d'imiter les membres du corps humain. Hugo Dehesse fait danser la peau et donne vie aux muscles, dévoilant les mécanismes de notre squelette. Avec un regard plein d'humour sur l'éternelle fascination qu'exerce le corps, il célèbre sa beauté en cherchant à créer le danseur parfait. Création Hugo Dehesse, Belgique. Spectacle dès 7 ans. Stage de théâtre, du lundi 20 au vendredi 24 octobre. Venez découvrir le jeu et la mise en scène à travers la pièce courte intitulée Hibou Vol avec le metteur en scène Rémi Barcher et le comédien Alan Baillet de la compagnie Tendre et la nuit. Autour du spectacle, Ce qui te calme, envoie-le au vent. Le stagiaire devra se rendre disponible sur les dates suivantes. Stage du lundi 20 au vendredi 24 octobre, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. La répétition le samedi 15 novembre et le dimanche 16 novembre, de 14h à 17h30 et le jeudi 20 novembre, de 18h à 21h. Pour une restitution, le vendredi 21 novembre, autour du spectacle « Ce qui te calme, envoie-le au vent ». Ouvert aux ados et aux adultes. Stage gratuit sur réservation et spectacle au tarif de 8 euros. Informations et réservations sur les spectacles au tcm.charleville-mézières.fr. Un lancement de saison 2025-2026 sous le signe de l'enthousiasme. La nouvelle saison du TCM démarre en fanfare. Plus de 10 000 billets sont déjà réservés et 650 spectateurs ont choisi de s'abonner. Un chiffre d'autant plus marquant que sur l'ensemble de la saison passée, on comptait 680 abonnements. L'abonnement découverte séduit particulièrement avec une progression de 57%. Le public ne s'y trompe pas, 5 spectacles affichent déjà complets. Portrait, Ce qui te calme envoie le au vent, Volatile ombré, Moya et Calogero. Face à cette demande exceptionnelle, une représentation supplémentaire de Volatile ombré, spécialement pensée pour les familles, sera proposée le mercredi 26 novembre. D'autres rendez-vous incontournables frôlent déjà la jauge maximale, parmi lesquels André Manoukian, Moving Skin, Bérangère Criff, Le voyage de Monsieur Perrichon, Don Juan et Batefado. Une saison qui s'annonce riche, vibrante et déjà plébiscitée par le public. Visite guidée. Sur les pas d'Arthur Rimbaud, le samedi 18 octobre à 15h30. Cœur de ville, lundi 20 et 27 octobre à 15h30. Voyelles, mercredi 22 et 29 octobre à 15h30. Beffroi de la mairie, samedi 25 octobre à 14h30. Mézières au flambeau, vendredi 31 octobre à 18h. La réservation de visite se fait sur charleville-sedan-tourisme.fr ou au 03 24 55 69 90 ou à l'accueil de l'Office de tourisme 24 Place du Cal. Association ABBA. L'association ABBA, anorexique boulimique anonyme, créée il y a un an, réunit des femmes et des hommes qui partagent leur expérience, leur force et leur espoir afin de surmonter leurs troubles alimentaires et d'aider d'autres personnes à retrouver un chemin vers le rétablissement. Les rencontres se déroulent à la Maison des associations de Mohon selon deux formats. Les réunions ouvertes, chaque premier jeudi du mois à 20h. Elles sont accessibles aux proches, famille, amis, professionnels de santé, souhaitant mieux comprendre la démarche. Et les réunions fermées, les trois autres semaines, elles se déroulent les lundis et jeudis à 20h et s'adressent uniquement aux personnes concernées par l'anorexie et la boulimie. Le programme de rétablissement repose sur les 12 étapes issues des alcooliques anonymes adaptées aux troubles alimentaires. Plus d'informations en contactant le 07 68 08 46 48 ou en allant sur anorexique-boulimique-anonyme.com. Agenda d'octobre. Jusqu'au jeudi 30 octobre, de 9h à 17h, exposition Sacrée Fantaisie, à la médiathèque Voyelles, par Aurélie Bonamy. Contact 03 24 26 94 40 ou sur médiathèque.ardennes-métropole.fr. Jusqu'au lundi 13 octobre, fête de la science intelligence, à Charleville-Mézières. Jusqu'au dimanche 19 octobre, loisirs, fête foraine d'automne, au parc des expositions. Du lundi 6 au vendredi 10 octobre, senior semaine bleue, à Charleville-Mézières, CCAS 03 24 32 45 00. Le mardi 7 octobre à 18h, nature, soirée Brame du Cerf, au parc animalier de Charleville-Mézières. Contact 06 61 02 11 60. Mardi 7 octobre à 18h, rencontre l'infertilité par Parentage et compagnie au 19 rue Irénée Carré. Mardi 7 octobre à 19h30, projection Another End de Piero Messina au cinéma Métropolis par Figli del Gonzaga, enfant de Gonzague. Mercredi 8 octobre, 15h-19h, portes ouvertes, Studio Neige, au 22 avenue Charles de Gaulle. Cours de flamenco, enfants, ados et adultes, et c'est gratuit. Contact 06 65 73 98 87 ou sur asso.yala flamenco@gmail.com. Mercredi 8 octobre à 19h30, projection, séance en cours, à la médiathèque Voyelle par La Pellicule Ensorcelée. Contact 03 24 26 94 40 ou sur le site médiathèque.ardennes-métropole.fr. Mercredi 8 octobre toujours à 20h, Danse Maldonne au théâtre de Charleville-Mézières par Leïla K. Réservation obligatoire au 03 24 32 44 50 ou sur billetterie.théâtre@mairie-charleville-mézières.fr ou en allant sur le site tcm.charleville-mézières.fr. Jeudi 9 octobre à 18h, Nature, soirée Brame du Cerf, au parc animalier de Charleville-Mézières. À partir de 8 ans, contact 03 24 57 39 84. Jeudi 9 octobre à 19h, Marionnette, corps à conte, à l'École nationale supérieure des arts de la marionnette. Par Jean-Michel Dope, contact 03 24 33 72 50 ou par courriel à contact@marionnetteausingulier.com. Vendredi 10 octobre, 15h-19h, le marché des producteurs de pays, place Ducal. Du vendredi 10 au jeudi 16 octobre, 14h-18h, exposition Carousel, Galerie Le Bon, par CAC. Vendredi 10 octobre à 20h30, spectacle Jean-Marie Bigard, J'arrête les conneries, au 75 Forest Avenue.com. Contact 03 24 55 00 00. Samedi 11 octobre à 10h, marche et course, mouvement, centre hospitalier de Bel Air, par l'Athletic Bel Air Club et le Conseil local de santé mentale. Inscription jusqu'au 10 sur dossard.com. Samedi 11 octobre, 10h-15h, Braderie solidaire, Halloween Bazar, au 11 rue Édouard Branly, par le Secours populaire français Ardennes. Contact 03 24 57 44 83. Samedi 11 octobre à 13h30, rendez-vous, un regard pour Rose, 34 Place de la Gare, au centre de ressources. Contact 06 74 77 40 70 ou par courriel à centre-ressources08@gmail.com. Samedi 11 octobre, 19h-1h, Art Nuit Blanche à Charleville-Mézières. Contact 03 24 32 44 40 ou sur charleville-mézières.fr. Samedi 11 octobre, 19h et 22h, concert dessiné Nuit Noire au théâtre de Charleville-Mézières. Par Youn Locard. Réservation obligatoire. Plus d'informations au 03 24 32 44 50 ou par courriel billetterie.théâtre@mairie-charleville-mézières.fr ou encore sur tcm.charleville-mézières.fr. Samedi 11 octobre, 20h30, soirée 100% filles, show Chippendales, au 75 Forest Avenue.com. Contact 03 24 55 00 00. Dimanche 12 octobre à 10h, marché artisanal à la boutique sous la halle au marché couvert. Dimanche 12 octobre à 10h, marché artisanal boutique sous la halle au marché couvert par les petites bulles de créateurs. Dimanche 12 octobre à midi, repas dansant avec l'orchestre Dany Daniel à la salle Arc-en-Ciel organisée par le Teux Loisirs Club. Contact 03 24 37 14 17. Dimanche 12 octobre à 14h, thé dansant au 75 Forest Avenue.com. 03 24 55 00 00. Lundi 13 octobre à 17h, atelier Qigong au MCM Ma Bohème. Contact 03 24 54 22 26 ou Alzheimer08@orange.fr. Du mardi 14 au jeudi 16 octobre, 14h-18h, exposition L'art numérique pour toute la famille. Salle Nevers, site internet www.n2urt.com. Mercredi 15 octobre, 9h30, événement Octobre Rose par les centres de loisirs, au kiosque de la gare. Mercredi 15 octobre, à 13h30, forum Engagement, 8 roues de prix, à la mission locale. Mercredi 15 octobre à 15h, 18h et 20h, et jeudi 16 à 20h, Marionnettes Moving Skin, au théâtre de Charleville-Mézières, par Hugo Dehaisse. Réservation obligatoire au 03 24 32 44 50 ou sur billetterie.théâtre@mairie-charleville-mézières.fr ou via le site tcm.charleville-mézières.fr. Mercredi 15 octobre, 17h30, Café d'Œil, au Seven Café, par l'association Jalmalve. Lieu d'échange bienveillant pour parler de son deuil. L'entrée est libre. Plus d'informations au 03 24 54 26 26. Du vendredi 17 au dimanche 19 octobre à 10h, Port, Foot Golf, à la plaine du Mont-Olympe. Vendredi 17 octobre à 14h30, Marionnette, Restitution, à l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, par Françoise Rublin et Alban Thierry. Contact 03 24 33 72 50 ou à contact@marionnette.com. Vendredi 17 octobre, 15h-19h, Marché des producteurs de pays, place de l'Hôtel de Ville. Vendredi 17 octobre à 15h, collecte de sang, salle Nevers. Du samedi 18 au lundi 20 octobre à 7h, sport, semaine du sabre, aux salles Bayard et Monge. Samedi 18 et dimanche 19 octobre, 10h30-16h30, nature, escape game au jardin. 4 rue Marguerite Lebrun-Nivois. Par Valodéa et les guides composteurs bénévoles. L'inscription est obligatoire à partir de 7 ans. Contact 06 44 39 23 89. Samedi 18 octobre à 9h, Solidarité, Pink Camp Run-Up, au campus Superden. Samedi 18 octobre, 9h midi, atelier, jeter, pas question, chez Josette, par Repère Café Les Nutons. Réparer les objets du quotidien. Séance gratuite sans inscription. Samedi 18 octobre, 19h, 1h, concert, reggae au forum, par l'association Tlaxaï. Plus d'informations sur le Facebook de l'association. Samedi 18 octobre à 21h30, soirée 90-2000, 75 forestavenue.com ou en appelant 03 24 55 00 00. Du lundi 20 au vendredi 24 octobre à 10h, stage de théâtre au théâtre de Charleville-Mézières avec Rémi Barchet et Alain Baillet. La réservation est obligatoire. Pour plus d'informations, contactez le 03 24 32 44 50 ou envoyez un mail à billetterie.théâtre@mairie-charleville-mézières.fr ou allez sur le site www.tcm.charleville-mézières.fr. Jeudi 23 octobre à 14h30, le bal des seniors au parc des expositions. Vendredi 24 octobre, 13h-20h et samedi 25, 9h-19h, ainsi que le dimanche 9h-17h, foire aux livres de Saint-Vincent-de-Paul, salle Nevers. Vendredi 24 octobre, 18h-20h, atelier greffage et bouturage au Square Cardo. Contact 03 24 32 44 88. Samedi 25 octobre, 10h-16h, vente caritative, place du Cal. Dimanche 26 octobre, thé dansant à 14h. 75 forestavenue.com, contact téléphonique 03 24 55 00 00. Enfin, du vendredi 31 octobre au jeudi 13 novembre, 14h30-18h30, exposition Salon d'automne à l'espace Le Bon, organisé par l'Union artistique des Ardennes. Agenda de novembre. Samedi 1er et dimanche 2 novembre, 9h-17h, vide-grenier, parentage et compagnie, salle de Nevers. Samedi 1er novembre à 14h, thé dansant. 75 forestavenue.com, contact téléphonique 03 24 55 00 00. Lundi 3 novembre, 18h-20h, atelier hip-hop au théâtre de Charleville-Mézières. La réservation est obligatoire. Contact 03 24 32 44 50 ou par courriel billetterie.théâtre@mairie-charleville-mézières.fr ou encore sur le site www.tcm.charleville-mézières.fr. Mercredi 5 novembre, 10h-16h. Journée Intergem. Bien-être et estime de soi. Salle Nevers. Mercredi 5 novembre, 20h, danse, portrait, au théâtre de Charleville-Mézières, par Mehdi Kerkouche, MK. La réservation est obligatoire, par téléphone 03 24 32 44 50, par courriel à billetterie.théâtre@mairie-charleville-mézières.fr ou sur www.tcm.charleville-mézières.fr. Vendredi 7 et samedi 8 novembre, 10h-19h, c'est la braderie d'automne à Charleville-Mézières. Samedi 8 et dimanche 9 novembre, 10h-19h, le salon du mariage, parc des expositions, événement gratuit pour les moins de 14 ans. Samedi 8 novembre, 9h-midi, animation, l'histoire de la côte de Bois-en-Val, à la réserve naturelle régionale de la côte de Bois-en-Val. Contact 03 24 42 90 57. Samedi 8 novembre, 9h-18h, Brocante, à la salle Nevers, organisée par l'association Le Tipi des Chats. Samedi 8 novembre, 10h-midi, atelier greffage et bouturage, au Square Cardo. Contact 03 24 32 44 88. Samedi 8 novembre, 10h-15h, braderie solidaire déco de Noël, au 11 rue Édouard Branly, organisée par le Secours populaire français Ardennes. Contact 03 24 57 44 83. Samedi 8 novembre à 14h30, événement Movember à l'île du Vieux-Moulin, organisé par le Centre Ressources. Samedi 8 novembre à 19h, concert Reggae Dub Sound System à la salle du Bedou, organisé par le Carolo Dub Club. Renseignements sur le Facebook @fariprod.asso. Samedi 8 novembre à 20h30, soirée années 80, 75forestavenue.com, contact téléphonique 03 24 55 00 00. Dimanche 9 novembre, de 9h à 17h, bourse puériculture à la salle Arc-en-Ciel, organisée par l'association des parents d'élèves de l'école d'Étion. Contact apeee08@gmail.com. Dimanche 9 novembre toujours, à 10h, marché artisanal boutique sous la halle, au marché couvert, organisé par les petites bulles de créateurs. Jeudi 13 novembre, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, forum santé-insertion, à la mission locale. Contact 03 24 59 44 44. Jeudi 13 novembre à 20h, stand-up et numéro clownesque Sarcolande, au théâtre de Charleville-Mézières, par Léo Cohen-Paperman, Les animaux en paradis. Réservation obligatoire au 03 24 32 44 50 sur billetterie.théâtre@mairie-charleville-mézières.fr ou encore en allant sur le site du TCM www.tcm.charleville-mézières.fr. Vendredi 14 novembre de 15h à 19h, le marché des producteurs de pays Place du Cal. Enfin, samedi 15 novembre de 10h à midi, atelier greffage et bouturage au Square Cardo. Contact 03 24 32 44 88. 7. Sport. La rentrée de l'Étoile, prêt à faire vibrer l'aréna. Quelle saison l'an passé! Des soirées inoubliables, un maintien arraché avec panache et une ambiance de folie dans les tribunes. Mais tout ça, ça n'était qu'un début. Place à une nouvelle page avec des renforts venus écrire un chapitre prometteur, à la fois ambitieux et réaliste. Le coach Jimmy Ploegaerts a choisi de bâtir son jeu sur un savant mélange d'expérience, de potentiel et d'envie de franchir un cap. Bienvenue à Sébastien Michino, Patrick Mwamba, Mario Tonji, Melvin Da Silva et Maiden Nandong qui rejoignent un collectif déjà soudé autour des Courtois, Kiger, Kovanuchik, des frères Depec, Mikkel Glads et Marbeys. Et pour ça, on compte sur vous, Carolo Masserien, votre énergie a transformé l'aréna en véritable chaudron, surtout dans les instants décisifs où tout peut basculer. Vos encouragements, vos voix, vos applaudissements donnent ce petit supplément d'âme qui change un match et pousse l'équipe à se dépasser. Car une saison, ça n'est pas un sprint, mais un marathon de 40 matchs où la résilience et la pugnacité feront la différence. Match après match, vos encouragements tissent ce lien unique qui porte l'équipe. L'Étoile repart au combat, mais c'est ensemble qu'on brillera. Voici les matchs du mois à l'Arena. Fos, vendredi 17 octobre à 20h. Le Havre, vendredi 24 octobre à 20h. Tu as entre 6 et 11 ans? Il reste des places à l'école municipale d'initiation sportive. Viens t'amuser chaque mercredi en découvrant plein de sports différents, qu'ils soient collectifs, individuels, vélo, jeux de raquettes, d'opposition, une super façon de bouger, de se faire des copains et de partager les valeurs du sport. Ça se passe de 9h30 à 11h30 ou de 14h15 à 16h15. Pour plus d'infos, education.sportive@mairie-charleville-mézières.fr ou encore par téléphone au 03 24 55 60 82 ou 03 24 55 60 86. Escrime, l'élite du sabre tricolore. Les 18, 19 et 20 octobre, le Cercle d'escrime de Charleville-Mézières va accueillir près de 400 tireurs au sein des gymnases Bayard et Monge. Si côté Carolo Masserien, on suivra avec attention Lucas Guillet, désormais pensionnaire de l'INSEP, ainsi qu'Éloine Evno, Gaëtan Trout et la dernière recrue Anthony Macoul, nous devrions aussi avoir la chance de voir à l'œuvre nos médaillés de Paris 2024, Manon Brunet-Apiti, Jean-Philippe et Sébastien Patrice, pour ne citer qu'eux. Tennis de table, le CMAT 08 reste ambitieux. Restés aux portes des barrages d'accession à la Pro B la saison dernière, les Carolo Masseriens comptent cette fois-ci valider leur objectif. Pour cela, ils ont recruté deux joueurs classés top 120, Damien Lorca et Valentin Pirart, qui vont épauler Clément Chaubeau et Martin Betschler. Le CMAT 08 souhaite également faire monter son équipe 3 en N3, elle rejoindrait ainsi l'équipe 2 à ce niveau. Rugby, à Charleville-Mézières, le ballon ovale rassemble toutes les générations. Présidée par Erika Belkacemi, l'école du rugby olympique Charleville accueille les enfants de 3 à 12 ans. Elle compte à ce jour 100 licenciés ainsi que 20 éducateurs. Il reste des places dans toutes les catégories. Rendez-vous à la Varenne le samedi à partir de 14h. Touch Rugby, c'est la version light du rugby à destination des mamans et autres accompagnateurs qui viennent, entre autres, accompagner leurs enfants à la séance du samedi ou alors le mercredi soir à 18h30, toujours à la Varenne. Pour plus d'infos, voir la page Facebook, le ROC. Ardennes Rugby pour les ados et les seniors. Comme le temps passe vite, pour la cinquième année, cette structure accueille les catégories M14 à seniors. 120 joueurs ardennais, dont la plupart sont Carolo Masseriens, font briller les couleurs de Charleville-Mézières et des Ardennes dans tout le Grand Est. Les M14 pratiquent un rugby éducatif, tandis que les M16, M19 et seniors sont engagés dans le championnat Grand Est. Horaire d'entraînement à la Varenne, 18h15-19h45 le mercredi, 14h-16h le samedi, et pour les seniors, 19h30-21h30 le mercredi et vendredi. Voir la page Facebook Ardennes Rugby. Agenda sportif. Rugby, dimanche 2 novembre à la Varenne à partir de 13h, Ardennes Rugby contre Saint-Dizier, équipe réserve puis Fagnon, R2. Handball, samedi 11 octobre, campus Supardenne à partir de 18h, CMHB contre Sedan, CMHB contre Bazancourt, élite départementale féminine. Tennis de table, samedi 11 octobre, Rennes-Bestel à partir de 16h, National 1, CMAT 1, Reims Olympique 1, National 3, messieurs, CMAT 2, Metz 2, National 2, dames, CMAT 1, Entente-le-Havre, Montvilliers 1. Football, samedi 18 octobre, Roger Salengro, 20h, Entente contre Nouvion, D1. Dimanche 19 octobre, Petit Bois à 15h, OCPAM contre Youths, R2, Varennes, 15h, FCCM contre Floin, D3, Banette, 15h, Le Teux contre Franco-Turc, D3. Samedi 25 octobre, Varennes, 14h, OCPAM contre Magny, U18, R1. Dimanche 26 octobre, Roger Salengro, 15h, c'est Franco-Turc contre Les Ayvelles, D2. Samedi 1er novembre, Petit Bois, 18h, OCPAM contre Balagne, N3, Roger Salengro, 20h, Entente contre Vivier, D1. Dimanche 2 novembre, Petit Bois, 14h30, OCPAM contre Montigny-lès-Metz, R2. Robert Emler, 14h30, AMCCM contre OCPAM, D1. Varennes, 14h30, FCCM contre Lume, D3. Banette, 14h30, Leteux contre Thouin, D3. Basketball masculin, samedi 11 octobre, Dubois-Crancé, 20h30, Étoile contre Cours-Montreuil, pré-national. Vendredi 17 octobre, Guinguette Arena, 20h, Étoile contre Bayers, N1. Vendredi 24 octobre, Guinguette Arena, 20h, Étoile contre Le Havre, N1. Basketball féminin, samedi 11 octobre, Salle Bayard, 17h15, FCBA contre Mulhouse, N2. Guinguette Arena, 20h, FCBA contre Bourges, Wonderlig. Mercredi 22 octobre, Guinguette Arena, 20h, FCBA contre Chiot, Euroleague. Samedi 25 octobre, Guinguette Arena, 20h, FCBA contre Angers, Wonderlig. Et enfin, mercredi 29 octobre, Guinguette Arena, 20h, FCBA contre Sopron, Euroleague. 8 histoires par Alain Tourneux de la Société d'Histoire des Ardennes. Rimbaud. Trois bustes d'Arthur Rimbaud se sont succédés au square de la gare. Arthur Rimbaud meurt en novembre 1891 à l'âge de 37 ans. 18 ans plus tard, alors que son œuvre commence à être publiée et un peu mieux connue, sa ville natale voit se mettre en place un premier monument à sa gloire. Ce n'était là que le début d'une longue histoire. Un premier monument voit le jour en 1901. Un comité parisien composé de 24 personnalités annonce à la ville qu'une souscription nationale va être lancée pour ériger un monument en souvenir du poète. Ernest Delahaye et Louis Perquin, camarades de collège d'Arthur Rimbaud, comptent alors parmi les membres les plus actifs. Ce comité souhaite que la ville propose un emplacement pour l'accueillir. La réponse ne tarde pas. Le square de la gare paraît être l'endroit le plus adapté, l'enfant de Charleville l'ayant souvent parcouru. De plus, le poème « À la musique » y fait explicitement référence, cela même si ce poème raille quelque peu la bourgeoisie locale et les fanfares militaires. En coulisses, le sculpteur Paterne Berrichon, de son vrai nom Pierre Dufour, se présentant également comme peintre et homme de lettres, fait tout son possible pour promouvoir son projet. Né à Issoudun, il a choisi un nom faisant référence à son Berry natal. Son frère, Jacques Dufour, député socialiste de l'arrondissement, s'active pour le soutenir. Quelques années plus tôt, en 1897, Paterne Berrichon avait épousé Isabelle Rimbaud, sœur du poète. C'est à ses côtés qu'il cherche à mieux faire connaître Arthur Rimbaud, en veillant toutefois à le présenter sous le meilleur angle. C'est ainsi que le 21 juillet 1901, l'on inaugura le monument qui prenait place entre les mesquines pelouses évoquées dans le poème « À la musique ». Il s'agissait d'un élégant piédestal en forme de lyre dessiné par Élisée Petit-Fils, architecte voyer de la ville, auteur de la fontaine réalisée 2 ans plus tôt au centre de la place du Cal, le buste en bronze le surmontait. Ce jour de juillet, après une réception à l'hôtel de ville, un cortège précédé de l'harmonie municipale prit le chemin du square de la gare. Le buste réalisé par Paterne Berrichon fut alors dévoilé devant plus de 150 personnes. Certains s'accordèrent à dire que ce buste leur paraissait très ressemblant, parmi eux les camarades de collège Ernest Delahaye, Jean Bourguignon et Louis Perquin. Ce dernier, pour la circonstance, avait préparé et diffusé une petite plaquette permettant de présenter le poète au cas où certains carolopolitains aient tout ignoré de lui. Lors de cette cérémonie, des absences d'importance furent remarquées. Celle de Madame Rimbaud, la mère du poète, tout comme celle d'Isabelle, sa sœur. Frédéric, son frère, quant à lui, avait tenu à être présent et était venu d'Attigny. Les discours commencèrent alors que l'orage grondait. En l'absence du ministre de l'Instruction publique, le préfet prit la parole. Ensuite, ce fut le poète Gustave Kahn, président du comité pour le mouvement, puis le maire de Charleville, Edmond Boucher-Lehutre, puis Jean Bourguignon, et enfin Alfred Bardet, l'employeur de Rimbaud à Hadin et à Arras. L'on raconte que, dans les premières années du siècle, on voyait parfois une vieille paysanne enlever les mauvaises herbes autour du monument. C'était Madame Rimbaud qui l'entretenait comme on le fait pour la tombe d'un être cher. Un second buste, inauguré en 1927. Le buste réalisé en 1901 ayant disparu pendant la Grande Guerre, comme beaucoup de sculptures en bronze fondues par l'occupant pour en faire des obus, ce fut en 1927, à l'initiative de la Jeune Société des écrivains ardennais et de Jean-Paul Vaillant, qu'un second buste vit le jour. La réalisation en fut confiée au sculpteur carolopolitain Alphonse Coll, bien connu pour être l'auteur de la statue de Charles de Gonzague surmontant la fontaine de la place Ducale, statue heureusement préservée. Le buste, créé après-guerre, montrait un visage cherchant à se rapprocher de l'œuvre d'origine. Les photographies de l'époque en témoignent. Le dimanche 23 octobre, le maire Charles Boutet, le sénateur Lucien Hubert et Ernest Delahaye prirent successivement la parole. Les discours se prolongèrent à l'Hôtel du Nord à l'occasion du banquet qui suivit. Au cours de la cérémonie, un tract virulent intitulé « Permettez » fut distribué. Ce feuillet contestataire, signé par plusieurs écrivains du groupe surréaliste, dont Aragon, Breton, Desnos, Éluard et Max Ernst, rappelait le regard qu'Arthur Rimbaud, adolescent, portait sur sa ville natale et annonçait que ce nouveau buste, comme le premier, nous reviendrait sous forme d'obus. Un troisième buste prend place en 1954. Ainsi que les surréalistes l'avaient prédit en 1927, la Seconde Guerre fut marquée par la disparition du deuxième buste. C'est à l'occasion du centenaire de la naissance d'Arthur Rimbaud, en octobre 1954, qu'une troisième sculpture, toujours en bronze, fut mise en place. La réalisation en fut confiée au sculpteur Gaston Dumont, qui s'efforça à son tour de reconstituer le buste de début du siècle. Ce nouveau modèle porte d'ailleurs la mention « reconstitué en 1926-1954 ». Sur une autre face figure intégralement le nom de Paterne Berrichon, alors que l'original de 1901 ne portait que son monogramme. Le dimanche matin 17 octobre 1954, plusieurs plaques furent dévoilées, l'une sur la maison du Quai Rimbaud, l'autre à l'emplacement de l'ancien collège et de l'ancienne bibliothèque municipale. À 11h, le ministre de l'Éducation nationale arrivait à la gare. Il passa en revue un détachement du 3e régiment du génie. Puis ce fut l'inauguration, suivi des discours dont celui du maire Jacques Bozzi. Parmi les personnalités figuraient les nièces d'Arthur Rimbaud, le député Guy Desson, Eva Thomé, Jean Rogissart et bien sûr Jean-Paul Vaillant, toujours très actif au titre des écrivains ardennais et des amis de Rimbaud, dont il avait été le fondateur en 1929. L'après-midi, après le traditionnel banquet, était inaugurée la salle constituant le premier musée Rimbaud dans les locaux du musée municipal, deux rues du musée, le don du libraire parisien Henri Matarasso ayant permis d'enrichir considérablement la collection à la grande satisfaction du conservateur Stéphane Thaute et des autorités municipales. Paul Claudel, invité pour ces commémorations, avait répondu par la négative, ne voulant en aucun cas être associé à ce genre de manifestation. Il avait alors conclu la lettre adressée à Jean-Paul Vaillant par la formule « Une messe aurait suffi ». La presse écrite et la télévision rendirent largement compte des événements d'octobre 1954 à Charleville, cela alors qu'une grande exposition consacrée au poète ouvrait à la Bibliothèque nationale, exposition conçue par Suzanne Briet, originaire des Ardennes et conservatrice à la Bibliothèque nationale. 9. Expressions politiques. Beauvau des polices municipales, des avancées utiles et un tabou. Nous l'attendions avec impatience, le projet de loi du ministre Retailleau sur l'évolution des polices municipales a enfin été dévoilé. Chaque élu engagé ne pourra qu'y trouver des éléments positifs, ce texte permettant même de rêver tout haut à une évolution qui confierait au maire la responsabilité locale de la lutte contre l'insécurité. Depuis une quinzaine d'années, les polices municipales se sont imposées comme des maillons essentiels pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Pour autant, nos près de 30 000 policiers municipaux demeurent fortement contraints dans leurs moyens d'action. Or, il est rare de gagner une bataille avec des pistolets à eau, surtout en ayant face à soi des voyous déterminés à créer des zones de non-droit au cœur de nos villes. Ce texte va permettre aux policiers municipaux, si leur maire le souhaite, d'être dotés de compétences judiciaires élargies, en leur autorisant de constater certains délits et de mettre en œuvre la procédure d'amende forfaitaire délictuelle, nous nous donnerons les moyens de devenir plus réactifs et efficaces. Parmi les délits visés, l'occupation illicite d'un hall d'immeuble ou l'usage de stupéfiants. Une évolution indispensable si nous voulons remporter le conflit qui nous oppose au trafic qui gangrène nos cités. Mais ce texte va plus loin puisqu'il offre la possibilité pour nos policiers de procéder à la consultation, l'extraction, la copie et la transmission au parquet des images de vidéoprotection. En d'autres termes, de leur propre initiative, ils vont enfin pouvoir transmettre au parquet et à leurs collègues de la police nationale toute image susceptible d'entraîner une exploitation. Enfin, la possibilité d'utiliser un drone pour couvrir les zones non pourvues en caméra sera d'un appui bienvenu. On ne peut que souhaiter le vote le plus rapide de ce texte. Demeurera malgré tout un chantier aujourd'hui tabou, la gouvernance de la sécurité locale. Les maires ne peuvent rester les responsables de la sécurité aux yeux de leurs concitoyens, mais n'avoir aucun mot à dire sur les priorités opérationnelles ou encore l'évaluation des cadres des forces de l'ordre. Dans ce domaine, si les élus locaux se trouvent souvent en première ligne face aux conséquences de l'insécurité, l'État leur refuse jalousement de tenir les manettes pour en venir à bout. Et si on partageait enfin la sécurité publique locale ? Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. Rentrée sociale. La rentrée scolaire fut une rentrée politique et sociale. Au national, un gouvernement s'en va, un autre a bien de la peine à arriver. Ce n'est pas en prenant la même politique d'injustice sociale que la stabilité et la paix vont régner. L'austérité budgétaire, faire payer les classes populaires et moyennes par une réduction des services publics et annoncer des mesures qui vont réduire le pouvoir d'achat des plus fragiles ne peut pas être le seul horizon. On a parlé d'une énième réforme de l'assurance chômage. Personne à droite ne semble réaliser que le chômage est généralement subi et qu'il n'est pas le fruit d'une paresse confortable, mais un drame personnel. Qui peut imaginer que c'est un choix et que diminuer la durée d'indemnisation va forcer les chômeurs à retrouver un emploi ? Il faut travailler plus, plus longtemps et être plus flexible. Dans un pays où le chômage des seniors est élevé, on a du mal à saisir comment ils vont faire pour travailler encore plus longtemps, alors que beaucoup ont déjà perdu leur emploi à 55 ou 60 ans. Il s'agira juste de rallonger le nombre d'années passées au chômage avec les allocations réduites comme peau de chagrin. Alors, où chercher des économies ? L'argent des ultra-riches, exonérés d'impôts grâce aux niches fiscales et dispositifs d'optimisation, représente des milliards. Les cadeaux aux grandes entreprises, sans contrepartie sociale ni écologique, plus de 200 milliards d'euros par an. On comprend les mouvements sociaux qui se sont réveillés en septembre. Réduire les services publics et la doxa appliquée à la lettre à Charleville-Mézières qui ne remplace pas les départs de fonctionnaires et délègue des missions exercées jusqu'alors par des agents à des entreprises privées. Idem pour la flexibilité, employés municipaux multitâches sans l'avoir demandé coûtent aux Suisses de la ville, ce qui dégrade leurs conditions de travail, la qualité du service et permet de supprimer des postes. S'emparer de prérogatives de l'État est aussi devenue pratique courante à Charleville-Mézières. Depuis juin, une mission du ministère de l'Éducation nationale, le suivi de l'absentéisme des élèves, a été annoncée comme priorité de la ville, faisant fi au passage de toute réglementation sur la protection des données personnelles. De nouveau, Boris Ravignon signale publiquement qu'il considère que l'État n'est pas capable de faire son travail et qu'il compte donc que les services municipaux le feront à sa place. Cette situation n'est pas sans rappeler l'escalade dans les missions de sécurité attribuées aux policiers municipaux, de plus en plus armés et à qui la mairie confie des missions régaliennes. Pour M. Ravignon, l'État ne sert à rien, la fonction publique d'État doit disparaître, remplacée par les pouvoirs locaux, aussi divers que la sensibilité des édiles. Peu lui importe la nécessaire égalité des citoyens sur le territoire national, pourtant fondamentale dans notre République. Anne Papier, pour la liste Une ville pour tous. Après la surveillance algorithmique, la reconnaissance faciale, le conseil municipal a décidé en septembre d'implanter 16 nouvelles caméras de surveillance, d'acquérir des lanceurs de balles de défense et de créer 5 nouveaux postes de policiers, alors que les effectifs municipaux diminuent chaque année de manière drastique. Non seulement la vidéosurveillance s'étend, mais elle se perfectionne. La ville a ainsi fait l'acquisition il y a quelques mois d'un logiciel de surveillance algorithmique, couplant ainsi l'intelligence artificielle et la vidéosurveillance. L'entreprise choisie est une entreprise basée à Metz, fondée par d'anciens traders de Londres. Elle propose plusieurs services de vidéosurveillance automatisés, allant de l'analyse d'émotions, afin, selon elle, de faciliter la gestion de foule, que ce soit dans les stades ou dans l'espace public, à la reconnaissance faciale en passant par un dispositif plus général d'analyse de flux équipé d'IA, pour édicter des règles statistiques permettant de prévoir le comportement et d'optimiser la communication et d'indiquer de manière anonyme le genre et l'âge, et permet de voir les objets comme un sac abandonné. L'entreprise s'est fait connaître en voulant équiper en 2019 les tramways de Nice de dispositifs de reconnaissance d'émotions. Elle a également testé en janvier 2020 son dispositif de reconnaissance faciale à l'entrée du stade de Metz. Dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, elle proposa de fournir aux organismes publics sa solution d'analyse de flux vidéo afin d'alerter, via les caméras de surveillance publique, de tout regroupement ou de tout non-respect des distances entre deux personnes. Ces expérimentations coûtent des milliers d'euros aux collectivités. Leur utilité reste pourtant à démontrer. Dans un rapport publié en 2020, la Cour des comptes a jugé qu'aucune corrélation globale n'a été relevée entre l'existence de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de la délinquance commise sur la voie publique ou encore les taux d'élucidation. Le prochain pas à franchir est donc celui de la reconnaissance faciale et nos ministres démissionnaires, amis politiques du maire, l'ont déjà franchi. Gérald Darmanin a institué un groupe de travail pour créer un cadre légal permettant d'introduire cette mesure dans notre législation. Son rival, l'autre ministre démissionnaire, Retailleau, lui emboîte le pas, appelant à son tour une utilisation très encadrée en temps réel dans le cadre des enquêtes judiciaires. Ces procédés de surveillance n'ont jamais fait, ni au plan national, ni au niveau local, l'objet d'un débat public. Ici, le conseil municipal devrait évaluer la politique de surveillance de la ville en septembre et décider éventuellement de l'étendre. En fait, le maire, inversant le calendrier, a retardé l'évaluation à plus tard et avancé l'extension du dispositif. On agit et on réfléchit après. La charrue avant les bœufs. Christophe Dumont pour la liste Écologistes et citoyennes. 10. Ardennes Métropole, Le Mag. Édito. Par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. À bras ouverts. La France peut s'enorgueillir de détenir depuis des années un titre mondial, celui du pays préféré des touristes. L'an dernier notamment, avec l'effet Jeux Olympiques, nous avons accueilli 100 millions de visiteurs étrangers. Une affluence qui a généré un chiffre d'affaires de 71 milliards d'euros, selon les données fournies par Atout France, l'Agence nationale de développement touristique. Comme on pouvait s'y attendre, la région parisienne, les Alpes et les départements méditerranéens se taillent la part du lion dans ce marché de belle facture. Mais nous pouvons nous aussi tirer notre épingle du jeu, aussi modeste soit-elle. Mieux, nous commençons déjà à le faire. Reconnaissons qu'en la matière, les Ardennes, longtemps préoccupées de manière quasi exclusive par l'activité industrielle, partaient de loin. Nous pouvons pourtant nous appuyer sur d'indéniables atouts, qu'ils soient architecturaux, naturels ou culturels. Mais encore fallait-il consentir l'effort de les mettre en valeur et d'assurer leur promotion. C'est désormais chose faite et les résultats concrets de cette évolution de la mentalité ardennaise se font déjà sentir. Chaque année, on dénombre sur notre département plus de meublés, plus de gîtes, plus d'offres touristiques. Et cette activité sans cesse croissante génère des emplois qui présentent l'intéressante particularité de se montrer indélocalisables. L'ouverture du tissu économique local à cette nouvelle activité se traduit également par des projets d'envergure, comme le futur hôtel 4 étoiles donnant sur la place du Cal, ou bien le village vacances en pleine nature prévu à Fagnon, à l'abbaye des Sept Fontaines. Nous nous trouvons à proximité de plusieurs dizaines de millions d'Européens, de plus en plus souvent à la recherche d'une destination nature. Sachons les accueillir à bras ouverts. Tourisme, la locomotive qui booste les retombées économiques. Ardennes Métropole, terre de tourisme? La question ne se pose plus. Même s'il reste encore des efforts à effectuer, notamment en termes d'hébergement et d'offres d'activités nature, l'agglo attire chaque année plus de visiteurs. La place du Cal et le château de Sedan, au coude à coude avec la tour Eiffel ou le mont Saint-Michel, on n'en est pas encore là. Mais il n'empêche, l'activité touristique croît régulièrement sur notre territoire. croissance qui se traduit chaque année par de l'activité, des retombées économiques et des créations d'emplois. Parlons chiffres. À la mi-septembre, donc au moment où cet article était rédigé, l'Office de tourisme Charleville-Sedan en Ardennes n'avait pas encore tous les retours nécessaires pour dresser un bilan complet de la saison 2025, d'autant que le Festival mondial des théâtres de marionnettes, prévu à Charleville-Mézières du 19 au 28 septembre, n'avait pas encore eu lieu. Mais on peut déjà pressentir que 2025 sera un bon millésime, analysé Franck Marco, vice-président d'Ardennes Métropole en charge du tourisme et président de l'Office de tourisme communautaire. Il y a des chiffres qui ne trompent pas, comme l'augmentation de près de 3% du flux de visiteurs dans nos offices de tourisme à Sedan et Charleville, ou les 30% de progression de la fréquentation de l'aire de camping-car de Sedan. Autre donnée porteuse, en 2024, donc sans marionnettes, le chiffre d'affaires de l'activité touristique sur le territoire d'Ardennes Métropole a dépassé les 24 millions d'euros, sans prendre en compte la restauration, avec à la clé plus de 300 emplois associés à ce volume d'affaires. Attention, globalement, les voyants sont au vert, nous progressons, mais nous partons de loin, et il y a donc encore pas mal de travail à effectuer pour nous montrer dignes de notre énorme potentiel, reprend Franck Marco. Nous manquons de capacités d'hébergement, notamment pour tout ce qui touche à l'hôtellerie de plein air. Et nous devons aussi faire des efforts pour augmenter la durée moyenne des séjours, encore trop courte à nos yeux. Deux chevaux de bataille. Une analyse partagée par Romain Henry, le professionnel à la tête de l'Office de tourisme communautaire. On constate partout une augmentation de la demande pour tout ce qui touche au tourisme vert, explique-t-il, et dans les Ardennes, en la matière, on a de quoi répondre. Côté hébergement, l'ouverture de l'hôtel Place Ducale et du B&B à Sedan vont faire du bien. Mais nous n'avons qu'un seul camping, au Mont Olympe. Il nous en faudrait un second. Autre cheval de bataille, la durée des séjours, jugée insuffisante. Aujourd'hui, le séjour type, c'est 2 jours et 1 nuit, détaille Romain Henry. C'est du tourisme de passage ou d'excursion. Pour changer de braquet, nous comptons densifier notre offre en matière de cyclotourisme, de randonnée pédestre et de tourisme fluvial. Côté patrimoine, on est au top. Côté animation, on ne peut pas se plaindre, loin de là. C'est donc dans ce domaine rando-cyclo-fluvial que nous devons progresser. Plus de touristes que d'habitants. Pour estimer le nombre de touristes fréquentant un territoire donné, on multiplie par 10 le nombre de personnes ayant poussé la porte de l'Office de tourisme local. Au 31 août, donc sans prendre en compte l'effet marionnette, nos offices, Charleville-Mézières et Sedan, avaient déjà accueilli 30 000 personnes, ce qui représente donc 300 000 touristes. En 2023, année de référence avec le Festival des marionnettes et le titre de monument préféré des Français attribué au château fort de Sedan, ce sont 48 000 personnes qui ont poussé la porte d'un office de tourisme communautaire, soit 480 000 touristes sur l'année. Pour rappel, on compte 121 000 habitants sur Ardennes Métropole et 267 000 pour l'ensemble de notre département. Patrimoine, nature et culture. Pourquoi des milliers de touristes décident-ils de venir nous rendre visite? En mettant de côté les événements ponctuels, notre premier atout, c'est le patrimoine bâti, à commencer par la place Ducale et ses abords, ou le château de Sedan, explique-t-on du côté de l'Office de tourisme communautaire. On trouve en deuxième position l'aspect nature, les itinéraires cyclables, les chemins de randonnée et les points de baignade. Enfin, en troisième, la culture, avec en tête d'affiche Arthur Rimbaud. L'effet marionnette. Comme précisé plus haut, cet article a été rédigé quelques jours avant l'ouverture du Festival mondial des théâtres de marionnettes, FMTM, d'où l'impossibilité de dresser un bilan complet de la saison estivale 2025. Selon une étude menée par la Chambre de commerce et d'industrie des Ardennes, en moyenne chaque festival attire en effet près de 150 000 personnes et génère des retombées économiques évaluées à 4,7 millions d'euros. Un rappel, le FMTM et le Cabaret Vert constituent les deux principaux rendez-vous culturels de l'ensemble de la région Grand Est. Un joli cadeau de Will Smith. En août dernier, l'acteur et rappeur américain Will Smith, l'une des têtes d'affiche de l'édition 2025 du Cabaret Vert, a choisi de poser ses valises à l'hôtel du château de Sedan. Au-delà de l'aspect purement financier de l'opération, son équipe était quand même composée de 35 personnes, la présence d'une telle star planétaire constitue un énorme coup de projecteur. d'autant que l'ex-prince de Bel Air, décrit comme ouvert, aimable et disponible par tous les Ardennais qui l'ont croisé, a multiplié de bonne grâce les selfies pris sur place. Avec à la clé une jolie campagne de pub 100% gratuite pour les Ardennes. Biodéchets. Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, ordures ménagères résiduelles et conformément à la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, Ardennes Métropole propose des solutions pour trier les biodéchets. Parallèlement au composteur individuel offert depuis 2019 aux habitants, l'agglo met à leur disposition des points d'apport volontaires biodéchets. Les bornes, en accès libre, permettent de déposer les épluchures, restes de repas, mares de café, viande, os, poisson, coquilles d'œufs, pain, denrées périmées non emballées, afin qu'ils soient valorisés plutôt qu'enfouis. 120 bornes sur le territoire, 70 à Charleville-Mézières, 21 à Sedan, 14 à Villers-Semeuse, 7 à Viviers-Aucourt, 8 à Vrigne-aux-Bois, et fin 2025, 7 à Nouzonville, et en 2026, se poursuivront des installations sur l'ensemble des communes de l'agglo. Les biodéchets, une ressource. Près de 30% du contenu de nos poubelles d'ordures ménagères sont des biodéchets. Triés, ils deviennent une ressource, du biogaz injecté dans le réseau et du digestat, comparable à du compost, utilisé comme fertilisant naturel dans les terres agricoles locales. Demandez votre bio-seau. Pour faciliter le transport de vos biodéchets jusqu'au point de collecte le plus proche de chez vous, Ardennes Métropole vous offre un bio-seau. Appelez le 0800 29 83 55, l'appel est gratuit, non surtaxé, pour convenir d'un rendez-vous afin de récupérer votre bio-seau. Plus d'infos sur ardennes-metropole.fr/point-d'apport-volontaire-biodéchets. Médiathèque programme. Le mardi 14 octobre, à la bibliothèque de Sedan, à 19h, lecture. Les Anardennais, le père Pénard dans les Ardennes, avec la voix de Jacques Lambert, l'orgue de Barbarie Joël Boujard, les mots du mardi, en partenariat avec la MJC Calonne. Mardi 17 octobre, à 19h, à Charleville Voyelle, projection et rencontre. Entre les bras, la cuisine en héritage, en présence de Gratien Leroy, un documentaire de Paul Lacoste, Festival au boulot, les métiers de la bouche à l'honneur. Cette projection sera suivie d'un échange, en partenariat avec la pellicule ensorcelée. Samedi 25 octobre, à Sedan, Veillez compter, par Céline Ménoncin. À 17h30, La nuit de sa main, Les origines de sa main, Halloween, et La légende de Jack aux lanternes, Les légendes ardennaises avec sorcières et autres vilainies. Pour un public de 7 à 11 ans, sur inscription. À 18h30, Le diable dans les Ardennes. La figure du diable dans les Ardennes avec la légende du Roque-la-Tour et autres récits moins connus. Pour un public adulte, sur inscription. Mardi 4 novembre, toujours à Sedan, exposition. Dans l'atelier de Clotilde Perrin, jusqu'au 3 janvier 2026. Le vendredi 7 novembre, Charleville-Mézières à Voyelle, exposition. Globe Story, saison 2. À 17h, le vernissage, en partenariat avec l'association Omega. Cette exposition durera jusqu'au 3 janvier 2026. Et à 18h30, conférence sur la cartographie. Plus d'informations sur le site médiathèque.ardennes-métropole.fr. Et au Conservatoire de Charleville-Mézières, les mercredis 15 octobre et vendredi 17 octobre, audition à la carte pour un patchwork musical donné à 18h. Contacts et informations crd@ardennes-metropole.fr et sur le site www.ardennes-metropole.fr. Déchets, collecte et prévention. Horaire. Pour les déchetteries, l'horaire d'été est valable jusqu'au 25 octobre. Ensuite, les déchetteries passeront en horaire d'hiver à partir du 27 octobre. Rattrapage des jours fériés. Samedi 1er novembre. Il n'y aura aucune collecte habituellement effectuée le samedi. Ce jour férié n'a pas d'incidence sur le calendrier. Mardi 11 novembre, les collectes d'ordures ménagères du matin et du soir seront rattrapées le mercredi 12 novembre. Les collectes tri du matin et ordures ménagères de l'après-midi seront avancées au samedi 8 novembre. Les déchetteries sont fermées les jours fériés. Équipement sportif à Charleville-Mézières. La patinoire Elena Isachenko. La période scolaire s'achèvera le 19 octobre, puis la patinoire passera en vacances scolaires du 20 octobre jusqu'au 2 novembre. Attention, les samedis 1er novembre et mardi 11 novembre, la patinoire sera ouverte de 9h à midi. À Charleville-Mézières toujours, piscine de la Ronde Couture. La piscine sera en période scolaire jusqu'au 19 octobre, fermée le 20 octobre jusqu'au 2 novembre et le 11 novembre. Le centre aquatique Bernard Albin sera en période scolaire jusqu'au 19 octobre, puis passera en période vacances scolaires du 20 octobre au 2 novembre. À noter des après-midi récréatives les mercredis 22 et mercredi 29 octobre de 14h à 17h. Attention, pour les jours fériés du samedi 1er novembre et mardi 11 novembre, la piscine sera ouverte de 9h à 12h30. Et pour le centre aquatique de Sedan, la période scolaire se termine le 19 octobre, s'ensuit la période de vacances scolaires du 20 octobre au 2 novembre. À noter, le tournoi La Harde des Sangliers aura lieu les samedis 25 et dimanche 26 octobre, événement organisé par l'Aquarium Club. Le centre aquatique sera alors fermé aux usagers le dimanche 26. À noter encore, une après-midi récréative le mercredi 29 octobre de 14h30 à 16h30. Attention, le samedi 1er et le mardi 11 novembre, le centre aquatique sera fermé.